là, mais ça, c'était vraiment la pire de pire. En primeur sur les ondes de CKRL tous les lundis dès le 15 mars, chaque épisode sera disponible sur la chaîne Balado de Premier Acte et sur La Fabrique culturelle. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes en direct du studio de CKRL 89.1 ce soir pour cette émission de l'aérospatiale. J'Antoine La France au micro et Myriam Leland s'exerce à la console, donc elle se plonge dans cette grande aventure avec beaucoup de boutons et d'anticipation. Tout à fait. Donc, on s'excuse d'avance si y a certains temps morts ou des petites chansons qui partent en même temps qu'on parle, mais on aime les nouveaux défis. Oui, c'est ça. On aime ça. Des fois, se complique un petit peu la vie. Ça devenait trop facile. Donc, en direct de CKRL 89.1, comme je le disais, c'est l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique entièrement consacré à l'univers des arts visuels à Québec. Et ça commence maintenant. On va débuter l'émission avec une chronique de Myriam Dufour qui s'est entretenue avec l'artiste Héloïse Plamondon-Pagé au sujet de son exposition « Saison d'eau douce » qui est présentée actuellement à la bibliothèque Monique Corriveau. Donc l'exposition est présentée par la Ville de Québec, mais elle fait partie de la programmation « Quelque chose entre nous », donc la programmation annuelle de Vue qui mise sur des relations à entretenir ou à transformer, à raviver ou à inventer de toutes pièces, donc en ces temps où il est nécessaire de créer des espaces qui nous lient encore malgré tout. Vue a pensé à ce thème de programmation artistique et cette exposition d'Héloïse Plamondon-Pagé s'inscrit également dans une résidence annuelle dont l'artiste bénéficie auprès du centre artistique qui est dédié à la photographie. Ensuite, Myriam Leland, c'est toi qui vas nous faire une chronique. Donc, tu as écouté pour nous l'événement en ligne Equinox Autochtone 2021. Donc, c'est une œuvre qui allie performance, chant, compte et échange avec le commissaire invité Guy Sioui-Durand que nous avons reçu il y a quelques semaines Exactement. Déjà. Exactement. Et les deux artistes André Lévesque Sioui et Soleil Launière. Donc, on va en parler, toi et moi, après la pause publicitaire. Et ce soir, Simon Roy va nous présenter un album qui est tout fraîchement sorti. Là, ça vient de sortir, c'est encore tout chaud, donc du 22 mars, de l'artiste libanais El Ras. C'est un album qui est construit autour du mythe d'Horus Or, donc le dieu faucon égyptien. Et on se lance avec la première pièce, Je ne lis pas l'arabe, donc on ne la nommera pas. Non, on va pas s'aventurer, mais bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté de la pause musicale. الجمال والعز والسلطان الجمال والعز والسلطان Bonsoir, ici Myriam Dufour. Je suis en compagnie de l'artiste visuelle Héloïse Plamondon-Pagé pour parler de son exposition « Saison d'eau douce » qui est actuellement présentée à la Bibliothèque Monique Corriveau. Bonsoir Héloïse. Hey, bonsoir Myriam. Super contente de t'avoir avec moi. Oui, moi aussi. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment touchée. Donc, dans ton exposition « Saison d'eau douce », tu proposes par tes photographies une nouvelle vision de l'hiver, un nouveau regard sur les espaces sur lesquels nous habitons. Donc, tu viens un peu déconstruire notre vision qu'on s'est construite de l'hiver qui est super froid, blanc, même gris parfois, pour insister sur une approche qui est beaucoup plus chaleureuse, je trouve, plus colorée. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ta démarche, des réflexions qui entourent cette œuvre-là? Oui, écoute, je peux pas parler de ce projet-là sans un peu vous expliquer le chemin qui m'a menée à ce projet-là. Là, en fait, c'est en la photo puis la vidéo ont toujours comme fait partie de ma vie, tu sais. Mais je me suis beaucoup concentrée sur l'estampe, tu sais, pendant longtemps. J'ai fait des installations et tout, mais j'avais cette démarche-là, tu sais, comme en parallèle. Puis en 2019, je suis allée en Islande. Dans le nord de l'Islande, en résidence, dans un lieu où il n'y avait pas d'installation en estampe ni rien, tu sais. Puis c'était le soleil de minuit. Ah, puis okay. Ça m'a complètement, complètement chavirée. Puis là, je me suis mis à comme filmer compulsivement, tu sais, l'océan, puis la lumière, puis la réflexion de la lumière et tout. Puis c'est comme à partir de ce moment-là que j'ai commencé à plus assumer mon rapport à la vidéo puis à la photographie. Puis j'ai continuer aussi cette démarche-là après ça dans tous les endroits où je suis allée parce que j'ai fait plusieurs résidences un peu partout. Mm-hmm. J'ai continué de filmer puis de photographier, dans le fond, la lumière, le ciel, l'eau, partout où j'allais, jusqu'au moment où je suis revenue ici au Québec à cause de la pandémie. Ouais. Puis que j'ai eu la chance, merci à mes parents, là, ils m'ont laissé le chalet familial pour que je me réfugie là en confinement, tu sais, au printemps passé. Puis là, ben c'est comme, j'étais bien, tu sais, comme tout le monde, hein, c'était l'angoisse, puis on savait pas trop ce qui se passait, mais il y avait le fleuve qui était là devant moi, puis qui était vraiment souverain, puis tu sais, c'était comme les oiseaux migrateurs qui arrivaient, le printemps qui s'installait, puis c'était comme, tu sais, la nature continue malgré notre panique humaine. Puis là, ben c'est comme si ça a vraiment été salvateur pour moi d'avoir encore cette pratique-là. Puis j'ai continué tous les jours à filmer, à photographier aussi l'eau, la lumière, le ciel. Et finalement, ben c'est ça. Donc, c'est une démarche que je porte à tous les jours. Puis, avec Vue, ben ils m'ont invité à faire la résidence annuelle, ce qui est extraordinaire pour moi. Puis, ils m'ont amené à plonger dans ces archives-là que j'ai des milliers de photographies et de vidéos. Puis, un peu, les photos que j'ai sélectionnées qui sont présentées à Monique Corriveau, c'est vraiment comme une synthèse un peu de ces endroits-là. Puis, ça s'est tout fait un peu par hasard. Là, ouais, c'est ça, je me demandais si tu étais allée à la recherche de ces paysages-là où tu un peu, tu sais, par hasard, t'attendais qu'ils viennent vers toi. Non, c'est ça. Non, c'est ça. La fascination pour les ciels, la lumière, l'eau, ça s'est vraiment comme incarné en Islande. Okay. J'ai porté ça depuis, puis je le porte encore. Mais j'ai jamais recherché, tu sais, c'est tous des paysages sur lesquels je suis tombée. À un moment donné, je tourne la tête, on dirait que le cadrage apparaît, tu sais, c'est évident, puis je suis comme, ouais. Oh mon Dieu, je prends la photo, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Puis pour la bibliothèque Monique Corriveau, j'ai comme renversé les images. Mm-hmm. Mais ça aussi, c'est arrivé par hasard quand j'étais à Vue, puis que je faisais le repérage des images. À un moment donné, il y en a une qui est tombée comme... Elle était horizontale, elle est tombée à la verticale. Puis là, on sortait du paysage, on tombait dans quelque chose de plus pictural, de plus sensible. Puis là, c'est vraiment, tu sais, la matérialité, les couleurs aussi qui ressortent plus, tu sais. Que le paysage. Oui. Donc là, j'ai commencé à jouer un peu là-dessus. Mais c'est ça, tout ça, c'est par hasard. Puis, tu sais, ces photographies-là ne sont pas retouchées non plus, tu sais. Fait que mm-hmm. C'est des vraies couleurs, c'est des vraies couleurs qui ont existé, c'est des vraies couleurs que j'ai vues. Tu sais, c'est comme un reste d'une expérience, là, tu sais. Ouais. Mais je trouve ça tellement fascinant quand on voit ces œuvres-là, parce que justement, quand on pense au paysage, justement, à Québec, tu sais, on dirait qu'on n'a pas le réflexe de penser à ces couleurs-là. Il y a du rouge vif, du orange. Ouais. C'est vraiment magnifique. Puis moi, devant tes œuvres, je me sentais un peu comme si j'étais devant une peinture, quelque chose d'abstrait, une peinture abstraite. Puis ça me faisait penser un peu aux œuvres de Rothko. Je sais pas si... Vraiment, exact, parce que c'est vraiment là les couleurs qui sont super fascinantes. Puis ça crée une expérience qui est presque transcendante, je dirais. Ouais. Là, puis, quand on réalise que c'est vraiment des paysages de du lieu sur lequel on habite, bien, ça devient encore plus intéressant, je trouve, parce que ça nous fait voyager un peu par ta photo. Ouais. Mais on se rend compte que c'est au Québec, c'est vraiment fascinant. We'll be right back. Jette l'air de la cabane. Au secours. À l'écoute de l'aérospatial et c'est un extrait de l'album de l'artiste libanais Elras, donc qui revisite des vieilles pièces musicales traditionnelles à saveur actuelle et électro, donc un album qui vient de sortir le 22 mars 2021 et vous venez d'entendre après cette pause musicale, avant cette pause musicale, pardon, l'entrevue que Myriam Dufour a réalisée avec Héloïse Plamondon-Pagé. Donc, une entrevue en deux volets qui se poursuit. Héloïse Plamondon-Pagé qui présente l'exposition dans l'espace public, donc à la bibliothèque Monique Corriveau à l'extérieur. Donc, l'exposition s'intitule Saison d'eau douce et c'est présenté dans le cadre de la programmation du Centre d'artistes VU. Donc, on laisse la parole à Myriam Dufour et Héloïse Plamondon-Pagé pour la suite de cette entrevue. J'ai lu un peu sur l'expo puis sur ta démarche, puis j'ai lu que tu parlais aussi d'une certaine dualité entre le désir d'aller ailleurs, puis en même temps, la nécessité de t'ancrer sur le territoire ici. Ouais. Puis ça m'a beaucoup parlé, cette idée-là, surtout avec la pandémie, qu'on est un peu obligé, tu sais, d'accueillir, de redécouvrir notre territoire. Puis c'est aussi, je trouve, que tes œuvres, ce qu'ils dégagent, c'est comme si tu avais abordé la même curiosité qu'on a quand on part en voyage. Tu sais, quand on est en voyage, on dirait qu'on se nourrit des nouvelles expériences, mm-hmm. Des nouveaux paysages. Puis là, c'est vraiment comme si tu avais eu cette même curiosité-là, mais pour aborder notre territoire. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. T'as vu juste, vraiment, en fait, c'est une belle constatation. Puis en fait, ça, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais besoin de l'ailleurs, mm-hmm. pour me mettre à l'épreuve, puis pour me confronter puis revoir un peu mes manières de faire. Tu sais, parce que quand j'étais ici, à Québec, chez moi, ben j'étais plus en mode, surtout, tu sais, en estampe, j'étais plus en mode, je vais voir à parfaire, dans le fond, ma démarche, puis à perfectionner ce que je connais déjà. Ouais. Puis on peut toujours perfectionner à l'infini, je veux dire, on a l'exemple des Japonais qui vont perfectionner, tu sais, une technique toute leur vie, puis c'est incroyable, tu sais, ce qu'ils arrivent à faire. Donc, tu sais, c'est un chemin, mais c'est ça, je pensais que j'avais besoin de l'ailleurs pour me confronter et tout, mais ce que je me suis aperçue, c'est que quand on est en voyage, quand on est en résidence, quand on est ailleurs, c'est comme si c'est plus nous qui se déplaçons dans le monde, c'est comme si on devient le centre du monde, puis c'est le monde qui se déplace autour de nous, ouais, qui change, puis qui est toujours nouveau, puis on a un regard qui est différent de quand on est dans un quotidien, tu sais. Exact. Mais d'avoir vécu des expériences ailleurs et tout, ça a façonné mon regard. Puis quand je suis revenue ici à cause de la pandémie, sans le savoir, ben j'ai réussi à retrouver ce même regard-là dans mon quotidien. Mm-hmm. Fait que c'est toute une façon de comment tu te positionnes face aux choses, puis face à ce que tu vois, puis face à la nature, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est arrivé comme ça, puis je m'en suis comme aperçue après quelques mois de pandémie. Puis c'est aussi de savoir, ben tu sais, la création n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre le contexte qui est favorable à ce que la création vienne, si on veut, tu sais. Oui. Donc, d'avoir de l'espace, d'avoir du temps, d'avoir le temps de contempler. Puis ça, personnellement, c'est quelque chose que j'avais pas, que je me donnais pas le droit d'avoir au Québec. J'étais tout le temps dans le jus, j'étais tout le temps, on valorise ça, hein, le fait d'être occupé. Puis, ben c'est ça. Finalement, je suis revenue, puis c'est comme le fait d'avoir vu les paysages ailleurs, ça m'a fait apprécier ceux que j'ai ici chez moi. OK, oui, je comprends. C'est vraiment intéressant comme démarche, je trouve. Puis puis aussi la question du hasard dont tu parlais là tantôt, je trouve que ça ajoute un impact à l'œuvre quand on la regarde. Puis aussi, je me demandais, tantôt, tu as mentionné un peu les oiseaux. Le oui. fait que tu voulais apprendre une certaine leçon des oiseaux, que eux ils sont super libres, qu'ils voient les paysages sous plusieurs angles. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de cette inspiration-là des oiseaux? Je trouve ça super... inspirant. Ouais. Oui, ben c'est ça. Moi, je suis comme... c'est encore, tu sais, la genèse vient un peu de l'Islande, là, mais c'est parce que là-bas, ouais. je suis vraiment tombée en amour avec les oiseaux, puis les oiseaux migrateurs qu'il y avait là-bas. Puis il y avait les sternes arctiques, okay. dont Anne-Marie parle dans son petit texte oui. de présentation. Là, elle les nomme parce que j'y en ai parlé, à quel point je les aime, ces oiseaux-là. Mais c'est les oiseaux, ben en fait, c'est les êtres vivants qui ont la plus grande migration connue sur la planète, là. Ça veut dire qu'à chaque année, ils partent de l'Antarctique puis ils vont nicher en Arctique puis ils font l'aller-retour. Mm-hmm. Puis une sterne, ça vit 20 ans puis ça fait l'équivalent de la distance entre la Terre et la Lune aller-retour sa vie. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Puis ils sont vraiment... sont un peu agressifs puis ils sont un peu... puis ils chassent, puis tu sais... Puis je suis vraiment tombée en amour avec elles, puis j'ai commencé à dessiner leur trajectoire. Tu sais, quand je regardais dans le ciel à main levée dans mon carnet, je dessinais comme leurs envolées. Puis ça m'a vraiment permis aussi de reconnaître les mêmes lignes dans le territoire que je contemplais. Puis tu sais, c'est comme une façon pour moi de m'ancrer. Puis depuis ce contact-là avec les sternes en Islande, ben j'ai aussi continué à cette démarche-là de dessiner les trajectoires des oiseaux dans des petits carnets. J'ai tout le temps un carnet sur moi, puis ça me permet vraiment de m'ancrer, mais aussi ça m'a fait remarquer tous les autres oiseaux qui existent. Puis oui, quand j'étais revenue en le printemps passé, ben c'était les voiliers d'oies qui arrivaient, qui sont comme absolument incroyables. Puis après ça, il y a les pigargues qui arrivent, puis il y a les petits colibris qui arrivent du Mexique. Puis tu sais, les oiseaux sont tellement... tellement fascinant, puis quand on commence à les voir, ils font partie de la vie, puis c'est des amis, tu sais. Ouais. Ouais, c'est un peu... C'est... Puis ils sont omniprésents, les oiseaux sont partout autour de nous, ouais. Donc c'est ça, quand on prend conscience de leur présence, et ça ajoute vraiment quelque chose dans le paysage, puis dans notre quotidien aussi, c'est sûr. Je trouve que dans ton travail, là, on ressent vraiment tout ce bagage-là que t'as dans tes voyages, tes résidences de création, puis on ressent ton émerveillement envers le monde, puis ta grande sensibilité, c'est vraiment... c'est une exposition que je recommande vraiment à aller voir. Donc, ça me fait plaisir. Bien, rapidement, tu sais, c'est Robert... À un moment donné, j'ai lu un livre, puis il y a le photographe Robert Doisneau qui disait que lui, à chaque fois qu'il prend une photo, il tombe amoureux l'espace d'un instant. Ouais, wow. Puis ça m'a renversée parce que je me sens un peu comme ça. T'sais, à chaque fois que je vois un paysage, que je prends une photo, c'est comme je regarde le monde avec mon cœur, puis c'est ça que je veux partager aux gens. Ouais. C'est, ouais.

le 20 mars. En fait, c'était une diffusion sur la chaîne YouTube du cercle Kizis. Donc, c'était l'équinoxe autochtone. C'était donc dans c'était une nouvelle version d'un événement qui a eu lieu à l'été dernier, qui s'appelait Solstice autochtone, qui était un événement qui fêtait la Journée nationale des peuples autochtones. Et donc, c'est une nouvelle itération pour fêter l'arrivée du printemps. Myriam t'a assisté à ce lancement de vidéos donc qui regroupait les artistes Soleil Launière, qui est artiste performeuse, exact. André Lévesque Sioui, qui était une artiste du conte et du chant, et Guy Sioui Durand, qui était donc le commissaire invité pour venir un peu animer et lancer les discussions au sein de cet événement. Donc c'est une performance qu'on peut voir encore sur la chaîne YouTube de Cercle Kizis. Et il y a vraiment quelque chose, bon, j'en parlais tout à l'heure, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rituel de passage. Tout à fait, c'est vraiment rituel de passage. De passage pour une personne dans sa vie, mais rituel aussi de passage des saisons, justement, puis c'est ce qui est expliqué par Guy lors de sa narration d'introduction, si on peut appeler ça comme ça, mais aussi par le texte, que le passage des saisons est super important pour les peuples autochtones, puis vraiment... Tous les peuples autochtones, ce sont des cultures qui sont très connectées aux allées et venues de la nature. C'est des pensées qui sont circulaires, donc c'est vraiment exactement. C'est le cycle. Qui, c'est ça, c'est très cyclique. Ouais. Puis c'est pour ça d'ailleurs que l'événement n'a pas été, étant donné que c'était un événement qui était reporté, l'événement n'a pas été renommé Solstice, mais bien Équinoxe, parce que on est à l'équinoxe, donc c'est... Faut s'adapter justement aux changements que la vie nous présente. Donc, j'ai trouvé ça, comme tu dis, c'était très rituel, c'était très doux. Autant les images que les mots, le chant. La photographie est magnifique. Oh, vraiment. On en parlait hors d'onde, justement. Ce sont des images... on peut voir que ce sont des images qui ont été tournées à l'aide de drones, mais ça fait des prises de vue magnifiques. En fait, c'est ce que la narration de Guy raconte, justement. Donc, à 6h28, le 20 mars, au matin, c'était exactement l'heure de l'équinoxe. Mm-hmm. Donc, Soleil, qui est un artiste Inou, se dirige sur le lac. On voit qu'il y a une tente qui est placée sur le lac, donc elle en sort, elle s'avance. Il y a André qui vient la joindre aussi. André, dont le nom Wendat est Gwendogis, qui veut dire celle dont la voix flotte sur l'eau. Et pour ceux qui ont eu la chance de l'entendre en personne, André a réellement une voix magnifique. Puis je spécifie en personne parce que elle a quand même une voix magnifique en vidéo, mais en sa présence, on sent sa voix vibrer. C'est vraiment quelque chose. Il y a quelque chose dans la vibration de la voix qui nécessite justement cette co-présence pour pouvoir en apprécier toute la richesse. Hein? Oui, exactement. Puis un petit commentaire comme ça qui est probablement pas pensé dans la performance, mais quand j'avais vu André en personne, elle avait ses cheveux bruns noirs. Puis là, dans la vidéo, elle a des magnifiques cheveux blanc-gris qui fonctionne aussi avec le blanc de la neige, de la glace, avec le beau soleil du matin de printemps. C'est juste, c'est tellement angélique comme vision. Ça fait vraiment quelque chose de très doux, autant, mm-hmm. comme je dis, pour le visuel que pour les oreilles. Et puis, c'est intéressant, on parlait de la voix, du souffle, et puis j'ai l'impression que c'est un thème qui est devenu un peu aussi récurrent tout au long de cette performance filmée qui était Equinox autochtone, présentée par le Cercle Kizis. Donc, ça faisait partie des conversations. Il y a aussi, tu nous parlais, Myriam Leland, de cette introduction qui commence avec une performance de l'artiste Soleil Launière avec André Lévesque-Sioui qui chante. Mais ensuite, il y a une conversation. Ensuite, elle pénètre à l'intérieur de la tente, s'installe sur le sapinage, il y a une conversation et André Lévesque-Sioui nous fait un conte qui nous raconte l'arrivée du printemps. Oui, c'est ça. Bien, j'aimerais revenir à cette conversation-là aussi parce que c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler à l'émission, parce que, bon, on se concentre sur les arts visuels, bien sûr. C'est de la performance, ça fait partie des arts visuels. Il y a quand même une importance qui est accordée à la voix, au chant, au conte, mais c'est quelque chose qui est vraiment en symbiose avec les images qui sont présentées dans la vidéo, parce que justement, on a cette vue-là, la première vue qu'on a, c'est une vue à vol d'oiseau sur le lac, quelque chose de très grand, ça nous donne envie de prendre un grand respire d'air frais. Puis là, quand on entre dans la tente, c'est quelque chose de très intime. Les voix se baissent un petit peu. C'est une conversation qui est très intime aussi entre André et Soleil. Elles se disent leur reconnaissance d'être là, de se connaître, de partager ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai trouvé magnifique de cet événement virtuel-là qui, on sait, un événement virtuel, ça peut vite devenir très plate avec toutes les discussions, les distractions qu'il y a autour de nous, dans notre chez nous. Puis là, je trouvais ça captivant parce que justement, les modulations de la voix, les modulations des activités qui étaient présentées, donc chant, conte, ça matchait, désolé pour l'anglicisme, ça fonctionnait vraiment avec le visuel qui nous était présenté, puis ça créait vraiment une atmosphère complète. Juste en regardant ça, j'étais écrasée dans mon divan, j'avais été marcher toute la journée, puis je me suis rappelée 5 minutes avant qu'il y avait cet événement-là, puis je me suis dit, oh, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis finalement, juste en partant la vidéo, on dirait que je me suis fait transporter dans leur univers. Ça fonctionnait vraiment. Oui, bien, la prise de son, on parlait de la qualité de la photographie, de la vidéo, mais la prise de son est également d'une très, très bonne qualité, ce qui, justement, nous donne accès à une intimité. Hein? Oui. On est des filles de radio, on est bien sensibles à cette intimité du son, de la voix, de ce contact privilégié qu'on peut avoir avec les gens via la voix. Et puis donc pour cet événement-là, Equinox autochtone, il y avait André Lévesque-Sioui qui nous fait un conte, qui nous raconte l'arrivée du printemps. Oui. avec la tortue, la petite tortue qui embarque sur la grande tortue. Donc cette symbolisation de l'univers dans lequel on vit, de la terre. Ben la grande tortue, oui, c'est la terre. C'est vraiment. Puis c'est un terme qui revient souvent aussi dans les manières de parler autochtones. C'est quand on dit on est sur la grande tortue, c'est ça, c'est la terre comme telle. Puis la petite tortue justement qui représente le printemps dans cette histoire-là. C'est vraiment un magnifique conte aussi, puis raconté avec la voix d'André, ben on peut juste l'écouter les yeux grands ouverts comme des enfants. Puis il y a un bel accès aussi à l'intérieur de la tente avec un montage autour du feu aussi, de la présence des deux femmes. Et ensuite, c'est une conversation avec Guy Sioui-Durand, animateur de cet événement, de cette performance filmée, qui lance une conversation à André Lévesque-Sioui. Oui, ben puis tu sais, tu l'as passé en entrevue, on l'entend parler régulièrement, Guy, parce que c'est une figure importante justement des arts visuels actuels, autochtones et allochtones. Puis il y a vraiment cette particularité, Guy, que quand il parle, on a juste l'impression qu'il nous donne un accès complet à son fil de pensée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il parle avec André, puis il lui pose pas nécessairement des questions. Il fait juste réfléchir à voix haute avec elle. Puis je trouve que ça vient vraiment lier encore cette impression d'intimité-là. On entend, comme tu dis, le feu, les branches de sapin craquer un peu. On a presque l'impression qu'on peut les sentir. Oui, oui, c'est ça. Donc, ce côté très charismatique de Guy Sioui Durand, tu le nommes, c'est intéressant. Oui. J'ai pensé à ça, mais oui. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Ça sonne comme... Il nous fait voyager. Quand, oui, puis ça sonne comme quand je me parle à moi toute seule. Jugez-moi pas, je sais que tout le monde le fait. Mais quand on se parle à nous-mêmes, puis qu'on essaie de dire à voix haute notre fil de pensée, j'ai l'impression que Guy, c'est ce qu'il fait, mais c'est toujours intéressant. Et donc, cette vidéo-là, toi, t'as comme assisté à son lancement, c'était diffusé en direct sur le YouTube de Cercle Kizis, pour ne pas nommer les grands diffuseurs. Donc, c'est encore disponible en différé. Oui. On peut y accéder. C'est une vingtaine de minutes, là, donc on a amplement le temps de s'immerger dans l'expérience, puis on invite les gens à l'écouter en plein écran, à l'écouter aussi avec des écouteurs ou avec un son bien présent pour connaître l'ampleur de toute l'expérience, ouais, que ça peut... Exact, pour avoir l'expérience complète vraiment, puis faire partie de cette intimité-là dont on parle. Bien, merci beaucoup Myriam Leland de nous avoir fait découvrir cet événement-là. C'est vraiment une belle façon d'entrer dans le printemps. Je trouve aussi. J'ai bien aimé cette façon d'entrer dans le printemps, en tout et cas. Une belle découverte aussi des acteurs, des actrices autochtones du milieu des arts, oui, à Québec et autour. Je connaissais pas du tout Soleil Launière. En fait, Guy, c'est ça, il est très présent dans le milieu des arts visuels. André, elle est de Wendake, donc elle est très présente dans la région. C'est une femme de radio aussi. Elle fait de la radio à la radio communautaire de Wendake. Puis avec la voix qu'elle a, on lui en voudrait de ne pas le faire. Mais Soleil Launière vient plus de la Côte-Nord, c'est ça, c'est une Innu, pardon pour cet accrochage, donc une Innu de la Côte-Nord qui joint sa voix à celle d'André là, pour avoir quelque chose de très universellement printanier. Donc on va voir ça sur la chaîne YouTube de Cercle Kizis, donc c'est K-I-S-I-S. Et nous, on va prendre une pause musicale, encore et toujours avec une pièce issue du dernier album de l'artiste libanais El Ras. Et au retour, on s'entretient de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine à Québec. Thank you. Nous sommes de retour à l'aérospatial et on termine cette édition en direct du studio de CKRL 89.1, je vous le rappelle, avec l'agenda de la semaine, donc notre traditionnelle revue de ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec. Et depuis samedi dernier, le 20 mars, il y a l'exposition « L'année du déluge » de Lindsay Montgomery qui est présentée à la Galerie 3. Et puis là, j'ai envie de vous lire le texte de présentation parce que Audrey Caro nous écrit de si beau texte de présentation à la Galerie 3, puisant à même l'imagerie les formes du passé pour mieux comprendre et appréhender le présent, les céramiques de Lindsay Montgomery proposent des récits engagés, témoignant des inégalités et des déséquilibres de nos sociétés. Ces créations explorent entre autres des questions politiques, féministes, environnementales et coloniales afin de proposer un regard alternatif aux idéologies dominantes. Conçues au cours de la pandémie, les œuvres de l'année du déluge réinterprète de manière contemporaine les représentations médiévales de la peste noire et de l'enfer de Dante, assiettes, chaudrons, bouteilles, pots de pharmacie et paniers deviennent ainsi les supports de narration tout aussi inquiétantes que merveilleuses. Jouant de contrastes forts, Montgomery y traite tout autant de la précarité de la condition humaine devant la maladie et la mort qu'elle rend compte de la grande mythique et spirituelle, de la grandeur mythique et spirituelle de la nature. D'une remarquable technicité, les sculptures de ce corpus nous amènent à réfléchir sur ce qui constitue pour chacun de nous l'essentiel de la vie. Ça donne vraiment le goût d'aller le voir. Il y a beaucoup d'éléments dans wink, cette... Wink, wink, Audrey Caro. dans la suite de l'agenda de la semaine, demain, il y a également de 17 à 19 heures un atelier Wiki pour les arts actuels. Donc, c'est toujours dans le cadre de cette série d'événements de contribution à Wikipédia qui se déroulait entre septembre 2020 et mai 2021. Donc, à chaque atelier, les participants qui débutent vont pouvoir suivre une courte introduction à la contribution sur Wikipédia. Puis les organisatrices seront disponibles pour répondre aux questions, échanger avec toutes et tous. Puis la formule des événements reste simple et conviviale. Donc, toutes les personnes intéressées par les arts québécois et canadiens et les projets de la Fondation Wikimédia sont bienvenus. Artistes, travailleurs, travailleuses, culturelles, chercheurs, chercheuses, animateurs, animatrice aussi, hein, on est les bienvenus. Donc, tous les curieux, curieuses. Puis, c'est une belle opportunité, justement, de faire valoir, de mettre en valeur des personnes de communautés plus marginalisées. Donc, des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBTQ2S+. Et toutes ces belles personnes qui sont un peu moins représentées dans les arts visuels et dans la vie de tous les jours. Oui, donc c'est une belle façon de contribuer. Wikipédia, c'est une belle expérience, puis c'est une belle façon aussi de justement amener à étoffer les connaissances sur l'art actuel au Québec. Et puis, dans le cadre de Jardin d'hiver, le parcours d'art public de Manif d'art dont on a parlé là, déjà deux fois à l'émission avec Delphine Guesbar, le point culminant de cette exposition d'art public va être l'installation ce jeudi 25 mars de 7 gigantesques lapins blancs illuminés. Donc, c'est l'œuvre The Intruder Family de l'artiste australienne Amanda Parer et c'est présenté au lieu historique national Cartier-Brébeuf. Donc, toute la famille est invitée jusqu'au lundi 5 avril. Donc, c'est assez court comme délai, mais ça vaut la peine de se déplacer pour aller voir cette œuvre qui s'annonce assez fantastique sous la thématique de Jardin d'hiver. Oui, c'est le gros punch de Jardin d'hiver qu'on attend. C'était leur visuel, d'ailleurs, les fameux lapins. Oui. Puis on rappelle l'interprétation écologique aussi de cette œuvre. C'est pas juste cute et convivial. Oui, puis un petit clin d'œil à Pâques aussi. Ben oui. Disons-le, ben oui. Dans le cadre du projet Les Soins des Amazones par Square Femininity, donc c'est l'artiste Annie Baillargeon avec qui je me suis entretenue la semaine dernière au sujet justement de cette exposition-là et de son compte Instagram Square Femininity. Donc l'artiste présente une performance en ligne le vendredi 26 mars dès 16h. Et dès ce samedi, à la Galerie Michel Guimond, il va y avoir l'exposition du nouvel artiste que la galerie représente. Donc, l'exposition s'intitule « Empire » et ça va être de Raphaël Sottolicchio. Et donc, le samedi 27 mars, dès midi, on peut se déplacer à la Galerie Michel Guimond pour aller rencontrer l'artiste. Et l'exposition va se poursuivre jusqu'au 18 avril. Donc, on va sûrement avoir l'occasion d'en parler ici à l'émission. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'installation vidéo « Conversation avec ma famille » de Rachel Eschenberg qui est présentée au lieu. Nous en avions parlé avec Myriam Dufour justement il y a quelques semaines. C'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Donc, comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com et allez faire un tour sur notre agenda pour savoir ce qui se passe à Québec. Oui, profitez-en aussi pour nous suivre sur Facebook et sur Instagram. On y garde aussi un répertoire des événements qui sont déjà sur Facebook pour vous les rassembler tous au même endroit. Puis finalement, ben un grand merci à notre chroniqueuse de la semaine, Myriam Dufour, pour sa superbe entrevue avec Héloïse Plamondon-Pagé, qu'on remercie également de s'être prêtée au jeu de l'entrevue. Puis un salut spécial à Jacques Gignac à la maison, qu'on a hâte de retrouver en studio un jour. Et j'ai une petite reconnaissance spéciale pour lui ce soir en étant à la console. Je reconnais encore plus son travail. Merci Jacques de nous accompagner depuis toutes ces années. Ben moi, c'est à toi que ma reconnaissance va ce soir. Myriam, bravo pour ton baptême de la console. Merci pour toutes ces opérations que tu effectues avec les boutons. Merci également pour ta chronique très sensible que tu nous as offerte aujourd'hui. Ben puis tant qu'à être dans les merci, gentillane d'être ma co-animatrice. Merci Simon Roy. J'adore. Merci, Simon Roy. Merci, les auditeurs. Donc, sur toute cette gratitude et sur un dernier segment musical, on se dit à la semaine prochaine, Gentiane La France. Oui, en direct en studio. Oui!